Chapitre 16, page 123, exercice 5. 1. Nous avons appris que le maire de notre village a été assassiné. Quel choc! Personne ne sait quoi faire ni quoi dire. 2. Sonia ne faisait plus rien. Elle se laissait aller, elle ne sortait plus. Heureusement, ses cousins l'ont invitée à passer des vacances à la campagne avec eux. Je crois qu'elle va mieux depuis. 3. Didier avait été pris en otage et il est enfin revenu. Sa famille était à l'aéroport pour l'attendre. Tout le monde est tombé dans les bras l'un de l'autre. Tout le monde pleurait de joie. 4. Être obligé de vendre notre appartement a été très dur. Nous y avions vécu presque toute notre vie. 5. Quand j'ai eu des difficultés d'argent, tous mes voisins se sont cotisés pour m'aider. Cela m'a énormément touchée.